nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour hin à Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué, l'émission 303. Non. 403, dis donc, j'ai une centaine de retard. 403. Quel aujourd'hui, Henri? Oui, ben justement, cette histoire de 403, ça m'a inspiré un peu parce que, bien sûr, les gens de mon âge, quand on dit 403, ils pensent à la voiture Peugeot, hein, donc qui était un modèle mythique, hein, qui était symbole de robustesse. Hein, et puis voilà. Alors il y avait la berline, hein, la 403. Les gens vont se demander où je vais là maintenant. Il y avait la berline, la 403, et puis il y avait la 403 bâchée aussi. Ah oui. Hein, ça, c'était la voiture des artisans. La camionnette. La camionnette, ouais. Alors, les couvreurs, les maçons, les plâtriers avaient des 403 bâchées comme ça, qu'on chargeait au-delà du raisonnable. Hein. Mais c'était très costaud comme voiture. Alors, ce qui est marrant, c'est que le mot, bon, c'est 403 en français, et en breton, on disait 403. C'est-à-dire, c'était devenu un mot de sans signification numérique, et donc un mot masculin, puisqu'on disait 403, mm-hmm. avec le C apostrophe H. Hein. Et d'ailleurs, pour les 4 chevaux, c'était pareil, on disait 4 chevaux. Voilà. Alors, donc voilà un petit peu pour parler de voiture. Alors finalement, une voiture, hein, c'est le terme en breton, c'est gouéture, hein, gouéture, G-W, hein, et qui est un mot qui a été emprunté à l'ancien français il y a très très longtemps, et qui est un mot latin en fait au départ, vectum, hein, et donc qui est passé en français, et puis qui est passé finalement en breton, hein, gouéture. Hein. Et c'est utilisé pour la voiture à cheval? Alors c'était utilisé déjà pour les voitures à cheval, hein, mmh. les voitures hippomobiles. Hein. Mmh. Et donc, par exemple, ma grand-mère maternelle avait une voiture comme ça, et elle allait tous les mercredis à Calac au marché avec une jument qui s'appelait Cadence. C'était avant 1929, puisqu'elle est morte en 1929. Et donc, voilà, on disait aussi un char à banc, mais la voiture, c'était quand même un peu plus confortable que le char à banc. On n'y chargeait pas trop de gens. Ah non, les gens, et puis peut-être les porcelets, comme on achetait des petits cochons, hein, mais ou quelques volailles, mais ah non, non, on mettait pas des gros charges là-dedans, et c'était très bien entretenu, et puis il y avait une lampe dessus une lampe blanche à l'avant et rouge à l'arrière, hein, tout ça, c'était... Ah oui, c'était... Et donc, on mettait un cheval dessus, quoi, hein, donc, à seul, hein, voilà. Et donc, c'était ça, c'était des voitures hippomobiles. Et on est passé ensuite à la voiture automobile, avec après, on parlait des conduites intérieures, parce que, au départ, les voitures, le chauffeur était dehors aussi, comme sur les... C'est-à-dire, on avait imité exactement la voiture, hein, telle qu'elle existait, hein, simplement il y avait un moteur et un volant. Et puis après, ça a évolué, hein, jusqu'aux voitures d'aujourd'hui, quoi. Mais donc la voiture automobile, c'est-à-dire qui avance toute seule. Hein, c'est pour ça qu'on ne doit pas dire l'industrie automobile, mais l'industrie de l'automobile, parce que l'industrie automobile, c'est une industrie qui avance toute seule. Voilà. Alors, gouéture, hein, donc, c'est un mot féminin, donc rouéture, hein. Le GW s'adoucit en W. Et puis, au pluriel, gouéturiou. Alors, le français, en français, on dit plus beaucoup une voiture. Hein. C'est un mot qui est devenu un petit peu désuet. Et puis, alors, il y a eu plein de formes argotiques. Hein. Une tire, une bagnole. Une caisse maintenant, oui, j'allais le dire. Hein. Ouais. Depuis quelques années, c'est plutôt une caisse. Hein. Voilà. Peut-être que parce que les voitures se ressemblent toutes aujourd'hui, donc ça devient des caisses. Hein. Voilà. Alors, en breton, bien sûr, il y a une traduction qui est cartande, hein, hartande. Hein. Car, c'est un mot, alors c'est un mot celtique, hein, celui-là, donc qu'on retrouvait en gaulois déjà, carrosse. et qu'on trouve en gallois, en cornique et en irlandais, enfin en gallique, quoi. Donc c'est en fait, c'est un mot qu'on trouve dans toutes les langues celtiques. Donc car, hein, alors avec, comme c'est un mot masculin, ça donne un har, avec un ciscravache, hein, et au pluriel kiri, hein. Et celui qui fabrique alors des voitures au départ, c'était carer le charron, hein. Harer, hein, le charron. Mon grand-père paternel était charron au bourg de Pemrite ici, voilà. Car donc c'est pour ça que ça me rappelle plein de choses, le mot charron, carer, hein. Voilà. Et donc en breton, donc il y a cartan, hein, hartan, qui est un mot un peu un néologisme, hein, parce qu'en fait on dit plutôt onoto, hein, oteo, hein, le plus simple. Hein. Les gens habituellement on dit onoto pluriel otoyou, hein. Le mot s'est bretonisé, hein, donc il donne son pluriel otoyou, hein. Voilà. Gwegel, il y avait une chanson qui disait Gwegel namzeromta doukoz n'est que le notoyou bavonjou. Les voitures n'allaient pas dans les fossés puisqu'il n'y en avait pas, bien sûr, hein. Voilà. Alors on retrouve alors le mot car, hein, c'est un mot celtique qui est passé dans le latin, hein, et qu'on retrouve par exemple au Québec, hein, on dit un char pour une voiture, hein. Voilà. Et donc c'est un peu la même chose que har, hein, en breton, quoi. Voilà. Alors il y a des mots dérivés, par exemple karat, hein, karat qui veut dire charter, donc on dit harat, ou harat plouze, ou harat vouen, ou harat quat, hein, une chartée de plein de choses, hein. Et puis un verbe charéad, hein, que nous on abrège en charad, hein. Charad plus, hein, charad, même charad maïs, hein, charvoyer, quoi. Charvoyer, oui. Mais alors c'est bien sûr c'est très important en agriculture puisque la moitié des travaux agricoles en gros sont des charrois. Donc c'est très important, hein. Charad, hein. Charad, voilà. Alors ben, je pense que sur Charade, on va s'arrêter. Voilà, on était parti de la 403 et on arrive à Charade. Très bien, merci Henri. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg dans ma tente. Seconde partie de Hent ar Brezhoneg, Brezhoneg tamm a tamm, avec bah, toujours notre Chandik là qui est parti faire un reportage sur le cidre avec Iwan. Voilà. Iwan Nango, non, comment c'est celui-là? Iwan Dantek. Dantek. Le Scarblay.

troisième partie d'émission, Petra Zonnevervro Eri. Petra Zonnevervro, Calzedra ou Evelgius, Buerv de Giusan. Krogum de Dianton, Velcustum, Gonelar Bourdou, Aragar Vu et War Armeez. Warelar Bourdou, Arjusma, des eaux Calzedra ou de l'art, mais ne l'a rien que Calzedra. Pudior et Lu et Madentro. Calzereuse, eaux, marément, hein, Gwellepeus, Gonner Stal Gad, Gonner Stal Tili Sapko, Zoadar et Narva. Abon, Calzereuse, au bide, Gonner Neukotax, hein, comme ce mois de C, Végel déjà, un tax, soit indigine, Gonner, un emvaud bras, ou abide, Grenelle, un endro. Hag on a fer lu tre e pudur benefin un ecotax zo bet vote gantou de politikour yon benefin deus un daudu, am deus un turu a deus un tugwen. Hag benefin bremañ ne veke kavet o nan hag zo edu chid gant un ecotax. Benefin e lu en oar an traoù gant se bon setu a se pebrañ neus i jonj, hein, nan ket e l'ar mand beo ar se. Mi meus me jonj, me ne karet in l'ar se hudu. Bon, ou ardache une économie, est-ce ouest? Bon, gouderé de calze d'une, n'est que contente de zo GoPro, hein, pis de zo Neran, vers où était Bopet. Agamiskeriz, zo, voyer, y a une meldrote, pis football, ma personne. Dreistol, ré, un muon Neran, réseau, un tuel, d'un million de blancs, rése, n'est que contente de zo GoPro, à zo casse, Houlant que paye un taille au bop, warzé, quoi. Hag, bon, potier stud, ur bob, n'est que vi comprenant, hein. Peter rasé au million de roi, ou med, i bop de comprenamment, plusieurs, n'est que content roi. Mais, rédé l'art, un dutson, ur mode de vivant, n'est que de, mode de vivant, un dut, ur mes, paye au tud, ur bop, le bop, hein. Rise ne se mestreze d'averet preno, au bern diamanche ou de à traudis. Bon, sais-tu, bon, cleven meus ou en jonge d'or hars l'arbre, ma fille ne mise du, a gis, bon, pardon mar et no que de match bétine, zézo spontus me mestra. Mais bon, dis ce mon con, tiers te comprenant. Bon, un DL, ou un bizou et war, ouas gan on drael, Babro Allemagne à Babro France, un d'ouvro, hein, bro Allemagne à Bro France, un de, so très zouet, bar mode, blamour, vechilowet, gand, gand, un américain, de, war un internet, tout pèse fait l'art, tout pèse fait drame, war internet, hag zo gervi, j'vi d'orzi, NSA, hag, sais-tu bon, bro Allemagne à Bro France, Pépino Bras, Bopelar, une zouette gansée. Gouscoud et n'est que Gualzouezus, plus dur. Mime jonge, Bill Clinton, déjà, péo à président de l'art, ou à Vetzave de l'Internet, et virait Muor Galou de Bro Amérique. Alors, c'est n'est que Rebouzouz et Tambebé d'un, ou Arzé. Plus dur, Zézovide, Bronouabed, Higine, des Vicres qui Galou d'un Américain de Bénéfine. Bon, ne jongeant que de change au cas d'un trou, ou Arzé. Wardash une économie, ouais, comme se fait vraiment en cas de barmar et de une TGV. L'art doit bé de te faire une TGV, ben, bla, Deauville Trégonde, vraiment, velard, vos presses, ben, bla, Deauville Seit, que bon, ou en que pèse un mot de vos comptes bénéfiques. Mais de gouelet vos, de ce que mère gote à ce bopet d'ag, puis vos gouelet tram, vos gouelet, hein. Bon. Ne gomzin ketar kaz de ze nemgleve votre er stad brohal a breiz, ou ar dachen un ekonomie, ze pakt a vo gred, un nemgleve, ma peswan, bon ka ar o red gota zon tom e vi gwelet un trau e skleror. Ou ar dachen ze vienadur evel just zo kaz ze drau de la arad. Tram ne mod e bremañ gwel un tregont vlavid er kabe, Hag bon, calze dud so bed, hein, tram de mod en trou, calze dud oa ba fez nons, ba fez de a ba fez nons, calze dud oa vid ur pezoari, a pezoari oa ur gomedi en mil lusiet, hein, zo tro di war Shakespeare, hag bon, oa plis just de, oa hoayet gant strolat kalag, oa plis just de veld, hag ben diskwezadeg zo be calze dud, hag Bah, Calag, hein, ouais, bah, cinéma Calag, ouais, Calze d'une roise, bon, sais-tu, tramnement de, et un trou. Or, Gouelèze, au Béroise, bah, j'en on me fait Gouelio, d'Hermond, mais les films, puis fait l'Hermond, puis, presque, il faut, Gouelvi de Trégonde, Vlacan, un Iébrel, roise, avec, bon, Gouelarez, mais Gouelio, d'Hermond. Or, Gouelèze, au Béd, bah, j'en Igoun, un roise, et vide, or, vaudeur, morvan, au Béd, inoret, puis, dur, on a une Béd, or, médaille, officourien, war a liziri hag un arzou, hag bon ar a wakal zo dud a zo dut dinor ine, hag bon ze oa an dra vat. Bon, an dra trist or bromen ne vezo e yet un an an bel hag joben dantek, war an av mat bavro, hag bon mimeus bedis ket o nebet gerio brezon d'un gantan, brez, gerio, venke d'implige et bemde, evel just, hein. Pujur, hez war eo bentro, war Jezu, hein, war, nek war brezondung, me war latin hag, war agresian d'ive, gant doa ba bla milno han do a war nugen, gant doa ba mel pistin, hag gren eo a istudi ba skol kompostal, bet hag vache lourez, hag waler e bet kelener pa de pempla a tregont ba kompostan. A waler, ba, mon bet oa ilev e ba burtulet pa tregont la. Pe dur oa aï, on e vla a perugen. Hag mamez vi gelar, ve jo ou deus an, non farse al oa person burtulet. Hag gwelet vi je aliz, hein, hont l'ar overnio un tamm bavro, a tout un dud istime un denz. Bon, sais-tu, vraiment, et être de nan-nan. Wardachen, ur brezon, vraiment, vegel, moi, comme je deux, pezois bête, bah, gambe, jacobine, pe, gambe député, et ma, pas soin, Paul Molag, moi, comme je brezon, asé, et on dra elle, zo, n'est que bénéfine, président de Randvro Breiz, notre Massier ne scrive de rector en académie, vi goulgant a gien, vi j'ai bé moyen de l'ac de guerstur république, liberté, égalité, fraternité, voilà que, ouais, tout de scolage ou vraiment, à voir lycée, à ne s'goul ma oua moyen de l'ac, c'est une braison, ne. Ag, rector ne s'lard, evel juste, vel qui s'accustume, ne oua que moyen de l'ac, c'est une braison, ne, plus dur, ou à galac, yez, république. A grancé, ne ce que moyen de scrire au franquis de Brezonek. Franquis, hein, liberté, bon. Ne ce que moyen de scrire au zéon Brezonek. Redo, scrire au ingalag hepken. Bon, jusement, non, le franquis, ou à non, au pésoir, ils obéissent zovent quand strolador vro pagan. A que zobéissent disquise de ce que quoi le belzo, bah, gwen gant vi gwel digor. Hag bon, je roi est plus juste non que bête, mais je mange à la rende ma treize en orvège penec de Vélinze. Case bladé nous fait un rôle de braise, hein. Remarquement à Dermod, hein. Dermod fait un rôle de case bladé nous. Et veulent juste fait une clève d'un, voir RKB. Ma treize un peu ce clève d'un square, stroladron en le bar, un rôle de vaisseau en bladen, zo hang de lampe d'our. Hag ma trezen peus klev en Michel Toutouz au comte de C, hag au rei Melo dit de Ronald Barthes. Hag tramet ve vejen amz ar war RKB, hag ma trezen peus klev un ton zo hanglet bleuen, hein, bleuen et mer Ronald Barthes, hag skriven eus un ton evitei. Bon, Hendel, bon, la remeuse vige gred gwelio d'Hermann, de Breis, bon, gwel remeuse wabe gred, wabe d'or gwel vide de Hugenla bagad kares, Hugenla, boe chad gred, hein, pudur bénéfine bagad kares, wakosan bagad wa Breis, hein, wabe crou et bafine de Brezel, mais, Edouard de Gaulle a bénéfine mon bé had lance de Hugen Lasso. Hag bagat panvrin ma mod, mais ne se gred or gwell vid pempla a tregon. Bagat se oa bekrou et gant Bernard Tepo, Un den a oa de houls meskol ba pa anri dan iwa vejon je de zevel or bagad ba pa anri d'ar veskon. Hag eus ikour a doa pet de gant kal se dun vel Jean Floc oa mer pa anri. Hag bon e belak de bagad ze de la bourra hag bon bremañ eus aet pempla a tregont. Oa da che neus evenad ur oaz on den deus bro gembre ar neus skrivet o lever. Hag Sharif Jemi e Iran, en eus skrive de o lever a zo hangve de la nation invisible. Hag zo kaz de drau, justement, d'oar breiz gwelet gant un din deus lerel. Hag da feze e deus ar bro keltek. Bon, un titre, ya vel meus lar a doa la nation invisible. Bon, vraiment, kaz de drau zo... o leverel roas zo bet imban an eveso, hag gomz de ze Yezou, de istor soki a le Yezou, pas e breiz, e broral, ben e fin, hag bon kalz e drog vekav do arze o ar istor ur Yezou. A hez o pez lever an pezur zo spen nou an page an barz. Bon, kalz e drog vefe bet de laren, met bon, ben e vegel o laren roas. Bon, setu laren tienon d'un tout d'un dut, de Réchilo, Zochilo. Kenwejal, Eri. Ya, Kenwejal, Anne.